Quand il dit bleu, je vois rouge. Un autre voit jaune, ma sœur voit vert, mon voisin voit violet, mon chien voit tout en noir, et ma mère, tout en rose. Certains voient autre chose que des couleurs, des chansons, des saveurs, des gares, des lendemains, des moineaux, des citernes. Est-ce à dire que personne ne voit bleu quand il dit bleu? Cela signifie que chacun voit son bleu à sa porte, que le regard est plus important que la chose regardée, l'écoute plus importante que la chose écoutée, la lecture plus importante que le livre, le souffle plus important que le poumon, que personne n'a jamais pu imposer son bleu à personne, que les parleurs de bleu le veuillent ou non. Est-ce que toute parole est ainsi condamnée au malentendu? Toute parole s'expose au rire des dieux et à la liberté des hommes. Toute parole n'est qu'échange, commerce et grain à moudre. Mais toute parole est existence, fait que ce grain soit le meilleur possible, le plus plein, le plus odorant, le plus doré. Si tu es celui qui dit bleu, que ce bleu soit la poignante légèreté du ciel, et le bleu ombrageux des flots, que ce bleu soit le bleu des rails et de l'encre et de l'orient et des volets et des lessives et le bleu des yeux de ta mère. Alors je verrai rouge, mais ce rouge, mon rouge, sera pivoine, désir, foulard, carmin, prénom, serment, fanal, que sais-je. Le vert de ma sœur sera tout aussi imprévu pour elle. De son violet, mon voisin fera une douce consolation. De son noir, mon chien fera un nouveau départ dans la vie, et ainsi de suite. Plus profond sera ton bleu, plus fervent et plus vrai, plus tu éveilleras, plus tu révéleras en chacun sa couleur, sa vibration d'une couleur unique et qui jusque-là manquait à l'histoire des hommes. Ainsi, le monde semblera meilleur et peut-être même le sera-t-il vraiment. Alors, soigne ton bleu, mon frère. Creuse ton bleu, danse ton bleu, affûte ton bleu et parle-moi. La prochaine fois, je te dirai rouge. Carnet de route, là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet. D'alerte dont vous protégez l'anonymat, qui vous a amené au siège du monde les fichiers de SwissLeaks avec cette fameuse USB et non pas UBS. Comment la France protège ses héros de la transparence une fois qu'ils sont passés à table? À quoi ressemble leur vie d'après? On en parle avec une lanceuse d'alerte et une spécialiste de la question. Stéphanie Gibaud et Florence Hartmann sont les invités du Grand Journal. Bonjour, Karim, la vie d'un lanceur d'alerte, ça doit pas être simple tous les jours, non? Oui, vous allez nous en parler tout à l'heure, mais on peut prendre aussi les exemples des lanceurs d'alerte les plus célèbres et on voit que leur vie quotidienne est assez compliquée. Julian Assange, l'un des plus connus, fondateur de Wikileaks, aujourd'hui il est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, il ne peut pas sortir sinon il risque de se faire arrêter. Edward Snowden, l'informaticien qui a révélé le scandale des écoutes de la NSA, lui il est exilé en Russie. Et autre exemple américain, Bradley Manning, Chelsea Manning aujourd'hui, condamné à 35 ans de prison pour avoir révélé des documents militaires confidentiels via Wikileaks. En France, c'est un peu la même chose. Denis Robert, celui qui a révélé l'affaire Clearstream, alors lui il n'est pas en prison évidemment, mais il a eu à subir 67 procès. Denis Robert, je précise qu'on le recevra tout à l'heure. Irène Frachon, c'est celle qui est à l'origine du scandale du Mediator. Alors elle est un peu protégée par son statut, mais ça n'a pas été simple, elle a aussi eu de gros coups de pression. Puis plus récemment, avant de parler de vous, Antoine Deltour, c'est celui qui a sorti les documents révélant l'optimisation fiscale au Luxembourg, le fameux scandale LuxLeaks. Vous, Stéphanie Gibaud, vous travailliez à l'époque pour la banque UBS, directrice de la communication. Vous étiez chargé d'organiser des événements, donc des tournois de golf, assister à des matchs à Roland-Garros. Qui oui, pouvaient, pour les clients qui pouvaient être désireux d'avoir envie de mettre l'argent à l'abri du fisc français, à l'abri des regards. Jusqu'au jour où votre direction, la direction du BS, panique et elle vous demande de supprimer, de détruire ces listings, ce qui est illégal. Vous allez refuser de les détruire ? En fait, il y a une perquisition dans la banque en juin 2008. Et suite à cette perquisition, on me demande, mon supérieur hiérarchique entre dans mon bureau pour me demander de détruire une partie de mon disque dur et très précise sur les fichiers des clients reliés à un chargé d'affaires en France, mais où aussi. Et donc là, vous refusez ? Vous refusez ? Je refuse parce que je suis occupée et je ne comprends pas très très bien. Moi, je suis surtout intéressé par une perquisition parce que c'est quand même assez grave pour qu'on puisse en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez subir de gros coups de pression après de la direction du BS, menacé, harcelé. Jusqu'à votre licenciement en 2013. Oui, mais c'est vraiment résumé très court, c'est-à-dire harcelé, mise au placard, discriminé. On essaie de me licencier une première fois en 2009. Après, on porte plainte contre moi en 2010 pour diffamation. Comme ça ne suffit pas, on donne quand même message à tout le monde autour de moi de ne pas m'approcher. Je deviens persona non grata. Et puis vous collaborez avec le fisc. Oui, c'est ça, vous participez. Vous allez donner des informations au fisc. Moi, je porte plainte contre UBS en 2009. Je ne sais pas ce qui se passe. Suite à ça, je suis reçue à la BRDP, la Brigade financière, en janvier 2011. Et suite à ça, je passe 15 jours à Roland-Garros. Donc Roland-Garros, dernière semaine de mai, première semaine de juin, pour tous ceux qui aiment le tennis. Et là, les douanes judiciaires me tombent littéralement dessus. Elle vous donne rendez-vous, hein, c'est 15 jours, voilà, je passe 15 jours avec les douanes judiciaires, des enquêteurs, des gens qui ont des appareils photos, qui me disent « on est persuadé que des Suisses, des chargés d'affaires suisses, sont à Roland-Garros. » Et moi, innocente et naïve, je leur dis « mais non, depuis l'année dernière, on a instruction dans la banque, il y a une muraille de Chine avec Genève, c'est terminé. » Un sujet important dont vous êtes emparé, Stéphanie Gibaud, vous avez publié il y a quelques mois « La femme qui en savait trop dans les coulisses de l'évasion fiscale en Suisse ». On vous avait reçu à un moment très dur pour vous, où vous étiez sous la pression de la banque dont vous dénonciez les activités illégales. Et vous êtes soutenu aujourd'hui par l'avocat William Bourdon pour lancer PILA. Alors qu'est-ce que PILA ? Ce n'est pas une dune. Pardon pour le jeu de mots, mais c'est une plateforme internationale de lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, on rappelle d'un mot ce que c'est, maître. Alors, les lanceurs d'alerte, ce sont des citoyens qui, à un moment donné, considèrent que leur conscience doit prévaloir sur toute autre considération économique, personnelle, professionnelle. C'est ce que Vaclav Havel appelle joliment une petite insurrection existentielle qui fait qu'on rabat toutes les cartes. Et qu'on lance l'alerte parce qu'on considère qu'il y a une très grave atteinte à un intérêt général. Ils révèlent des pratiques illégales, par exemple, ils révèlent des choses qui heurtent leur conscience et ils encourent, et vous en avez été témoin et victime, de grands risques. Ils peuvent perdre leur travail, ils peuvent perdre leur honneur, ils peuvent être victimes de harcèlement, de mise au placard. Ça vous est arrivé, Stéphanie, à UBS ? Oui, c'est même pire que ça, puisque vous avez votre santé, votre sommeil, votre famille, vos enfants, vos parents qui sont entraînés dans cette histoire, en plus d'avoir été, harcelés, mis au placard, discriminés, subir des pressions. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a d'autres en ce moment aussi. Et si vous voulez, on a un acte citoyen qui est de dire « mais je ne veux pas, je refuse ». Et on le fait non pas pour soi, mais dans l'intérêt du plus grand nombre. Oui. Et donc, avoir à payer ce prix-là, pour l'intérêt de tous, c'est effectivement très très cher. D'autant que par exemple, les lanceurs d'alerte sont souvent vus comme des voleurs de données, comme des traîtres. Ils sont souvent considérés comme des menteurs par leurs ex-collègues, les milieux qui les emploient. Du coup, il faut les protéger. Et donc, ce site, cette plateforme, comment est-ce qu'elle va fonctionner, maître ? Alors voilà, l'idée de cette plateforme que j'ai eue avant l'été était le résultat de cette expérience accumulée de en tant qu'avocat d'un certain nombre de lanceurs d'alerte, Hervé Falciani, dans l'affaire HSBC, persécuté par la Suisse, mis en liberté en Espagne, parce que grâce à son action, Il a remis des milliards et des milliards dans les caisses publiques qui en ont bien besoin des États européens. Il y avait eu Denis Robert en premier. Il y avait eu Denis Robert, absolument. Mais lui ce n'était pas exactement lanceur d'alerte. Lui, c'était un journaliste d'investigation. Ouais. Donc, on ne peut pas confondre. Pardon, mais journaliste d'investigation. C'est son métier. C'est sa mission. Et quelqu'un comme Stéphanie, qui était employé d'une banque et tout à coup, qui décide d'en révéler les activités illégales. Voilà. Bon, au moment où je me rends compte que j'ai été moi-même mise en risque et prise au piège, puisque si j'ai révélé, souvent les gens me disent que je suis un traître parce que j'ai mangé du gâteau, selon ce qu'on dit. Mais attendez, moi je ne savais pas que le métier que j'exerçais jusque 2008 était quelque part illégal. Oui, vous l'avez découvert, vous l'avez révélé. Le choc que j'ai vécu, et en plus j'ai compris au même moment que j'avais été mise en risque, c'est-à-dire que s'il y avait eu problème avec des autorités quelconques, la banque aurait dit qu'elle n'était absolument pas au courant de ce que je faisais. Enfin, c'est... Et du coup, William Bourdon, cette plateforme, elle est internationale, elle a vocation d'accompagner, de soutenir, de protéger, d'écouter aussi les lanceurs d'alerte. Alors, on ne se cache pas avec Stéphanie, avec Hervé Falciani, ceux qui nous soutiennent, que c'est une ambition très compliquée. Pourquoi c'est compliqué ? Alors, c'est compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que on va devoir traiter, à travers ce qu'on va mettre en place, c'est une espèce de hotline, SOS lanceur d'alerte, des gens qui vont appeler du monde entier, parfois dans des situations de très grande précarité, parfois même en risque d'atteinte à leur intégrité physique, sans pouvoir éventuellement leur apporter des solutions clés en main. On va devoir traiter toute une série de demandes qui vont demander de mutualiser des compétences dans le secteur politique, dans le secteur associatif, dans le secteur juridique. La deuxième difficulté... Ça veut dire qu'outre vous, il y aura une armée d'avocats pour les aider ? Il y aura une hotline qui va être gérée par un certain nombre de personnes qui devront avoir évidemment une compétence juridique, mais pas simplement, et aussi qui devront être capables de ne pas se laisser instrumentaliser. Parce que la grande menace qui pèse sur les lanceurs d'alerte, c'est tous les faux lanceurs d'alerte, qui, pour des raisons pathologiques ou pour des raisons idéologiques ou parce qu'ils seront les chevaux de Troie de je ne sais quel officide, et il y en aura, et il y en aura. Eh bien, il va falloir sélectionner tout ça, donc vous trier. Vérifierez les informations apportées. Il va falloir des mécanismes d'abord de sécurisation dans les canaux d'information, parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui rôdent autour de nous, on le sait déjà, sans tomber dans je ne sais quelle paranoïa. Bon, enfin, il faut être vigilant par ailleurs. Et puis, le pire ennemi de lanceurs d'alerte, c'est tous ceux qui vont s'abriter derrière la vertu pour régler des comptes. Les gens de mauvaise foi, ceux qui sont appelés les délateurs et qui annonceraient Vichy du XXIe siècle, c'est ce dont parlent un certain nombre de députés UMP, qui ne veulent pas entendre parler de la protection des lanceurs d'alerte. Mais pardon de ma naïveté, mais par exemple, il y a des sites comme Mediapart, il y a des journaux comme Le Monde qui régulièrement se font l'écho de ce que dénoncent des lanceurs d'alerte. Pourquoi une plateforme ? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas, au fond, ce relais que doivent jouer les médias ? Alors, si Stéphanie, il y a quelques années, ou Irène Frachon, il y a quelques années. Celle qui a dénoncé le scandale du Mediator. Et sur laquelle le scandale. Voilà. On n'en aurait jamais entendu parler, oui. Si il s'était trouvé en situation, d'avoir une loi protectrice. Oui. Il y a une loi, mais très récente. Le 6 décembre 2013, elle est passée, mais c'est déjà un pas. Si ils avaient pu pouvoir compter sur ce que nous appelons nos voeux, c'est-à-dire de fédérer des associations, des syndicats, qui commencent d'ailleurs à avoir une sensibilité de plus en plus aiguë aux lanceurs d'alerte, qui sentent bien que. Il y a là une co-responsabilité citoyenne et qu'ils doivent partager. Éventuellement des journalistes, parce que le lanceur d'alerte peut se blottir, si je puis dire, dans le secret des sources dont bénéficie, lui, le journaliste. Oui. Donc il y a tout un chemin qu'il faut accompagner pour prévenir les risques, éviter les embûches, permettre des mises en contact qui vont consolider la situation de lanceur d'alerte. Et leur donner le background juridique dont ils ont besoin. Parce que Stéphanie, c'est vrai qu'on se sent seul, souvent extrêmement isolé, et c'est vrai que c'est pas évident d'aller contacter un grand journal pour qu'il relaie, qu'il se fasse l'écho de ce qu'on veut dénoncer. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est déjà essayer de comprendre où on a mis les pieds. C'est-à-dire que moi, l'histoire, j'ai mis 6 à 8 mois pour comprendre. Oui. Puisqu'à mon niveau, et étant donné justement les compartiments, la complexité des entreprises pour lesquelles on travaille, c'est vous que l'informer. La firme. Avant. Mais c'est exactement ça. Oui, mais c'est exactement notre histoire. Ça, ouais. Et entre ce moment, on est en train de me dire, mais il faut faire un film de votre histoire et comment justement. Vous... Vérifier la crédibilité des sources, recouper l'information et révéler au plus grand nombre. C'est le travail quotidien des journalistes. Un travail rendu possible aussi grâce à ceux que l'on appelle les lanceurs d'alerte. Ils prennent le risque de dénoncer des pratiques pour plus de justice, plus de démocratie. Les plus célèbres ont entre autres mis au jour les fraudes massives, les paradis fiscaux. Eh bien, sachez que depuis aujourd'hui, 4 médias francophones, dont la RTBF, ont mis en ligne un site internet sécurisé baptisé Source Sûre. Objectif, recueillir les infos en garantissant l'anonymat. Nora Khalifi. John Kiriakou, Irène Frachon ou encore Edward Snowden. Des noms qui ont popularisé le terme de lanceur d'alerte. John Kiriakou, ex-agent de la CIA, a révélé l'utilisation de la torture par ses services. Le docteur Irène Frachon, que le médicament Mediator utilisé en France comme coupe-faim, était en réalité un poison. Quant à Edward Snowden, son nom est à jamais associé au scandale des écoutes téléphoniques. Lanceur d'alerte, un terme qui colle bien aussi au site d'information Mediapart. Ce matin, un de ses fondateurs était l'invité de la première. Il y a eu des affaires où c'est nous-mêmes qui avons trouvé quelque chose qui était caché, d'autres affaires où ce sont des sources qui nous ont contactés, et puis d'autres affaires où nous nous sommes retrouvés avec des interlocuteurs qui eux-mêmes ont assumé publiquement ce qu'ils faisaient. Choisir d'être lanceur d'alerte n'est cependant pas sans risque. En dévoilant des listings d'évadés fiscaux de la banque HSBC, Hervé Falciani a dû fuir la Suisse par peur de représailles. Ils prennent leurs risques, mais ils se trouvent d'abord seuls et ils ont beaucoup de mal ensuite à retrouver un emploi, à retrouver du travail, etc. Donc nous, notre responsabilité à nous, journalistes, nous avons une dette à leur égard qui est de leur offrir, de défendre, de demander un statut, une protection. C'est dans cette idée qu'est née aujourd'hui Source Sûre, une plateforme ultra sécurisée pilotée par 4 médias francophones dont la RTBF. Toute personne pourra y déposer un document sensible en restant anonyme et intraçable. Sans lanceur d'alerte, sans cette protection des sources, nous ne sommes rien, nous les journalistes d'investigation, nous ne pourrons faire qu'une chose, c'est redélivrer de la communication prémâchée. Nous devons pouvoir travailler avec des gens qui nous permettent de faire notre travail, de vérifier les informations et d'aller au-delà des apparences. À peine lancée, Source Sûre a déjà reçu ses premiers dossiers. Pour les journalistes, commence un vrai travail de tri entre simple délation et vrai délit. Micro ouvert. Alors, je m'appelle Emon Tebin. Ici, c'est un atelier que j'occupe pour donner mes cours de musique, faire ma musique, voilà, travailler mes chansons, pour travailler. Voilà, c'est mon atelier. Bah, il est très bien ton atelier, hein. C'est du côté de la chasse. Et enfin voilà, ça a l'air sympathique comme tout ici, non ? C'est super chouette. Voilà. C'est très très chouette. Au passage, du coup, grand merci à Chantal Niquès qui me permet d'être ici. Voilà. Allez, c'est parti. En fait, moi, j'avais envie de te rencontrer. Ton prénom ? Emon. Emon, c'est pas évident. Hein. Emon, c'est très rare qu'on entende des Emon. C'est quoi comme prénom, Emon ? C'est irlandais, voilà, comme Emon de Valera, le premier président irlandais. Donc, mon papa vient du sud-ouest de l'Irlande, de Limerick. Et ça veut dire quoi, Emon ? Alors, Emon, traduit en français, ce serait Edmond. J'ai aussi entendu dire Édouard. Le doute plane un peu, voilà. Emon, c'est bien. Et mais ça veut dire quoi ? Comment ça veut dire quoi ? Bah, chaque prénom a une signification. Ah. Comme moi, par exemple, Graziella, ça veut dire, bon, ça fait un peu pompeux, mais c'est plein de grâce. Tu vois, ça veut chaque... Enfin, Margot, ça veut dire perle... Alors, cette interprétation-là, je vais la laisser à ceux qui auront la bonté d'aller écouter mes projets. Voilà. Et c'est eux qui me diront ce que ça veut dire, du coup. Continuons alors brièvement sur ce sujet, mais comment on peut faire pour te suivre alors ? Alors, pour suivre mes projets, on peut aller sur mon site, emontobin.com. Donc Emon, c'est E-A-M-O-2-N et Tobin, T-O-B-I-N, sur Facebook, enfin voilà, les réseaux sociaux, ces trucs-là, voilà. Sur Spotify, on peut écouter ma musique, sur Deezer, iTunes, voilà. Normalement, il ne faut pas trop chercher. Enfin, tu fais de la musique ? Ouais, voilà, musique, ouais. Chanson en français. Eh bien voilà, on démarre, hein, donc tu sais pas la signification de ton prénom, Emon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Tu sais pas la signification de mon prénom non plus. Hein, mais non, je connais pas toutes les significations des prénoms, t'imagines, mais c'est marrant que, enfin voilà, que tu, hein, tu savais quand même que les prénoms avaient une signification. Oui. Ah, tu me rassures là. Bon allez, on démarre ce micro ouvert avec l'idée, en fait, ben voilà, je t'ai rencontré via un atelier de logiciels libres et j'aurais aimé, en fait, parce que ça fait déjà un petit temps, de donner la parole à quelqu'un qui s'y connaisse, mais vraiment bien, sur le logiciel libre et qui puisse le raconter au commun des mortels. Qu'est-ce que c'est un logiciel libre ? Voilà. Alors, le logiciel libre... c'est un sujet qui est très très vaste. Au tout départ, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a une philosophie qui accompagne le logiciel libre. Donc un logiciel libre, c'est un logiciel comme n'importe quel autre logiciel, mais c'est un logiciel qui est accompagné d'une licence qui est permissive, en fait. Donc l'idée, c'est que quand on utilise des logiciels libres, on promeut l'idée qu'un logiciel, c'est un outil, et qu'avec un outil, ben, on a certaines libertés qui viennent. Donc, dans le monde numérique, on utilise plein de logiciels tous les jours pour plein de trucs, pour aller sur Internet, pour faire ses relevés de compte, pour enregistrer des émissions de radio, voilà. On utilise des logiciels pour plein de choses. Et ces logiciels, ils ont été programmés, ils ont été codés dans des langages de programmation, et c'est ces langages-là qui les structurent, qui leur permettent, voilà, comme les différentes pièces mécaniques d'une voiture qui lui permettent de rouler. La plupart des logiciels, si on garde l'analogie de la voiture, la plupart des logiciels sont fermés. C'est-à-dire que c'est comme si on nous vendait une voiture et qu'on disait, voilà, le capot il est cadenassé, on n'a pas le droit de l'ouvrir, on ne peut pas voir comment le moteur fonctionne. S'il y a de l'huile qui tombe par terre, bah, tant pis. Ok, ça c'est quand on parle de logiciel, alors pas libre, parce qu'un logiciel pas libre, c'est quoi ? C'est Windows ? Mettons des noms pour qu'on se situe aussi, ou sinon on ne comprend plus grand-chose. Hein. Donc les logiciels pas libres, c'est quoi ? C'est qui ? Alors les logiciels pas libres, qu'on appelle aussi logiciels propriétaires, c'est, voilà, essentiellement, c'est tous les logiciels très communs qu'on connaît, c'est Windows, c'est Word, Photoshop, j'en passe. Voilà, tout ça, iTunes, tout ça, ce sont des logiciels propriétaires. Et donc, la différence qu'ils vont avoir avec les logiciels libres, c'est que dans un logiciel libre, quand on installe le logiciel, il est accompagné d'une licence qui est libre. Très souvent, c'est la licence GPL, qui signifie General Public License, la licence publique générale. Et cette licence, c'est une licence qui a été écrite par Richard Stallman dans les années 80. Et cette licence, elle confère quatre libertés à l'utilisateur du logiciel. Et c'est ces quatre libertés-là qui font que le logiciel est dit libre. C'est ces quatre libertés fondamentales qui sont nécessaires à un logiciel pour qu'il soit considéré logiciel libre. Ces quatre libertés, ce sont de 1, la liberté d'étudier le logiciel, autrement dit d'avoir accès au code source. Donc ce code qui structure, c'est comme les pièces mécaniques de la voiture. On doit pouvoir lire ce code, même si on n'est pas informaticien, on doit y avoir accès. Ça nous permet d'étudier, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet d'être certain que le logiciel ne fait rien de malicieux dans notre dos. Hein, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, notamment avec toutes les histoires de la NSA, Edward Snowden, voilà, toutes ces choses-là. Précise pour toujours le commun des mortels, hein, qui n'est pas au courant. En quelques mots, Snowden... Alors, très très brièvement, Si vous utilisez Internet, si vous utilisez Facebook, si vous avez un smartphone, si vous avez des logiciels propriétaires sur votre ordinateur, voilà, sachez que plus ou moins, les gouvernements y ont accès et il n'y a plus grand-chose de privé. Justement parce que quand un logiciel n'est pas libre, on peut cacher à l'intérieur du logiciel ce qu'on appelle des backdoors, des portes dérobées par lesquelles des gouvernements, des personnes mal intentionnées, du business, les gens qui font des affaires pour la publicité, etc. et tout ça. Oui, entre autres, puis aussi tout simplement des criminels qui veulent voler des données bancaires, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses quand des failles de sécurité dans des logiciels sont découvertes. Parfois, les failles de sécurité sont révélées à l'entreprise qui crée le logiciel. Parfois, elles sont aussi juste revendues sur un espèce de marché noir. Et c'est ça le problème fondamental du logiciel propriétaire, c'est que personne ne peut savoir ce qui se passe à l'intérieur, à part la personne qui a le code source. Donc, par exemple, dans le cas de Windows, c'est l'entreprise Microsoft. Dans le cas de Mac OS X, c'est Apple. Et on doit partir du principe qu'on a confiance en ces entreprises pour ne rien faire de néfaste à l'encontre de leurs utilisateurs, d'utiliser ce pouvoir à des fins néfastes. Mais on constate que ce n'est pas le cas. Edward Snowden donc, a révélé que la NSA espionnait via tous ces logiciels-là, tous ces logiciels propriétaires espionnaient tous les utilisateurs de Google, de YouTube, de Facebook. Donc, la vie privée sur Internet n'existe plus. Et c'est notamment un des grands enjeux du logiciel libre, c'est que en ayant accès au code source, on peut reprendre un peu contrôle de sa vie numérique. On peut s'assurer que personne n'espionne, s'assurer qu'on utilise des systèmes d'encryption qui empêchent quiconque d'intercepter les messages et de les lire. Sur cette question... Et c'est vraiment vrai ce que tu dis. Ça veut dire que si on utilise un logiciel libre, on est certain de ne pas être espionné. C'est sûr, ça ? Ou bien il y a quand même une petite faille pour les geeks, connaisseurs Alors, si vraiment on s'intéresse à comment protéger sa vie privée, etc., la meilleure solution, c'est via les logiciels libres. Maintenant, utiliser les logiciels libres, en soi, ça ne garantit pas d'avoir une vie privée 100% privée. Ce qui est nécessaire, c'est à un moment donné qu'il y ait aussi une prise de conscience de la part des utilisateurs, qu'on s'instruise, qu'on essaie d'apprendre un petit peu, comment est-ce qu'on fait pour m'espionner et comment est-ce que je fais pour l'éviter. Il n'y a pas malheureusement de solution clé sur porte. Il y a des solutions très efficaces et relativement simples, mais il y a aussi un pas à faire dans ce sens-là de la part des gens qui ont envie de maintenir leur vie privée. Et c'est un enjeu très très important. Je sais que dans mon entourage, beaucoup de personnes disent « Ouais, mais Eamon, je m'en fiche, moi j'ai rien à cacher. » C'est faux, on a tous des trucs à cacher. Et si c'était pas le cas, on se baladerait à poil dans la rue, on aurait des webcams dans nos salles de bain, et on a tous des choses à cacher. Et certaines personnes plus que d'autres, j'ai des amis qui bossent dans des ONG, qui ont eu leur boîte mail interceptée, on a été fouillés dans leurs emails, etc., parce qu'ils bossaient dans des petits villages, ils montaient des dossiers, des choses comme ça. Donc clairement, il y a des gens mal intentionnés qui ont accès à nos données. Oui, ça c'est sûr, il y a des gens mal intentionnés, ça c'est évident, mais moi j'aime bien cette phrase parce que je pense ça aussi, je veux dire, j'ai rien à cacher. Après, si les gens veulent fouiller, j'ai rien à cacher, il y a sûrement plein de gens qui n'ont rien à cacher aussi, tu vois un peu l'idée. On a tous des choses à cacher, ou ne serait-ce que des choses à cacher à quelqu'un. Allez, c'est pas... ici j'ai pas envie de commencer à te parler de quelle couleur sont mes sous-vêtements. J'ai pas besoin que tous les auditeurs le sachent. On n'a pas forcément envie que tout le monde sache quand on est malade. On n'a pas forcément envie que tout le monde sache quand nos orientations sexuelles. Voilà, il y a des choses que, il y a des choses qu'on préfère garder pour soi. Et dans ce cas-là, c'est important qu'on puisse. Quand bien même on... Si, moi, j'ai tendance à le voir un petit peu comme ça. Si vous pensez que vous n'avez rien à cacher, c'est que vous n'avez pas encore pris conscience de tout ce qu'on pourrait savoir sur vous via votre vie numérique. Non mais regarde, il y a une différence de dire « je n'ai rien à cacher » et puis se servir de justement infos qui sont très privées. Enfin, moi, je ne serais pas du tout d'accord avec cette idée de mettre ma vie privée sur la place publique. Par contre, il y a déjà une grande différence. Quand je dis que j'ai rien à cacher, ça veut dire je ne suis pas occupé à faire des coups. Et en tout cas, mon idée serait évidemment pas de le faire via Internet et compagnie, parce que ce serait évidemment pas intelligent. Il faudrait procéder à l'ancienne, peut-être avec des pigeons voyageurs, pour être connecté avec d'autres gens et faire passer des informations. Je crois qu'on l'a compris, quoi. Aujourd'hui, on est au courant de ce que vous faites, de ce que vous pensez. Mais comme je dis, moi, j'ai rien à cacher. Ça veut dire que pour le moment, je m'en fous, tu comprends ? Sauf si on mettait ma vie privée sur la place publique. Alors là, je dirais, oh là, c'est qui se permet de faire ça ? Voilà. Tu comprends la subtilité. Et je dis, si je devais faire des coups en douce, parce que, je sais pas, je ferais partie d'un réseau qui a envie de booster le monde, là, eh bien, je ne ferais pas partie de ce réseau via Internet, quoi, ça c'est sûr. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, je pense que c'est un petit peu la vision que tout le monde a, tu vois, de se dire, bah, bien sûr, je suis pas en train de commettre des crimes, voilà, j'ai rien à me reprocher. C'est pas la même chose que de n'avoir rien à cacher, parce que, effectivement, quand des gouvernements, quand des agences comme la NSA ou le GCHQ espionnent les gens, amassent des données sur tous les utilisateurs des réseaux sociaux, des choses comme ça, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est « on vous protège des criminels ». C'est dans cette optique-là qu'on a besoin d'avoir des informations. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que c'est pas tes actions en tant que criminel qui sont espionnées. C'est la vie privée que t'as pas envie de mettre sur la place publique qui est espionnée. C'est toutes tes discussions sur Skype, c'est tous tes échanges d'emails via Facebook ou via ta boîte Gmail. C'est tout ça qui est enregistré, qui est amassé. Des choses que tu peux penser aujourd'hui qui peuvent ressortir sur toi dans 10 ans, voilà. C'est ça. Je vais te donner un exemple un petit peu concret qui j'ai l'impression n'avait pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir dans les médias. Donc via une des révélations qui avait eu lieu, ce qu'on a appris, c'est que le GCHQ, donc qui est l'agence équivalente de la NSA mais en Angleterre, avait décidé de surveiller le réseau Yahoo Chat, voilà, le chat via Yahoo. Et je ressors ça, c'est voilà, de mémoire. Les gens peuvent aller faire leurs petites recherches derrière. Mais essentiellement, l'histoire, c'est que ils avaient décidé comme Yahoo Chat donne accès notamment à l'emploi de la webcam, toutes les personnes qui avaient installé le logiciel Yahoo Chat, du coup, était susceptible d'être espionné par le GCHQ. Et pour que le GCHQ nous espionne, il fallait avoir une relation ténue, de près ou de loin, avec quelqu'un qui est soupçonné d'être un terroriste. On est déjà dans l'ordre de quelque chose de très très vague. Voilà, tu t'appelles Amel, ou voilà, t'as un prénom qui commence par un A, il y a un terroriste qui a un prénom qui commence par un A, qui s'appelle Ahmed, peu importe, voilà, ça suffit. On soupçonne que peut-être il y a un lien, peut-être même c'est la même personne, on ne sait pas. Dans le doute, on la surveille. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Toutes les personnes qui étaient sur cette liste de personnes à surveiller, notamment des personnes qui n'avaient rien à voir, voilà, des gens comme toi et moi, se sont retrouvées sur cette liste. Et donc, on a commencé à prendre des images avec leur webcam. Sauf qu'un ordinateur, bah, c'est un objet qui est très privé, qui fait partie de notre vie quotidienne. Il est dans notre chambre, il est dans notre salon, il est souvent ouvert. Et du coup, parmi les images qui étaient prises, je crois que c'était une photo toutes les 5 minutes qui était prise, quelque chose comme ça. Parmi les images qui étaient prises, il y avait beaucoup d'images de couples dans leurs ébats amoureux, de filles en train de se changer, de, voilà, des choses a priori que tu n'as pas envie de partager, quoi. Et les employés du GCHQ y avaient accès. Là, on est sur quelque chose de plutôt dérangeant, quoi. Mm-hmm. Voilà. C'est ça l'enjeu de la vie privée. c'est que même si t'as rien à cacher, il y a des gens qui peuvent te soupçonner. A priori, si tu le caches, tu le caches. Il y a qu'en t'espionnant qu'on peut le savoir. Donc c'est très malsain comme relation. De dire j'ai rien à cacher, donc voilà, ça suffit pas, c'est pas un argument nécessaire pour que les gens derrière disent ah oui, bah alors on va pas t'espionner si t'as rien à cacher. Justement, à la limite, ça va plus générer les soupçons, quoi, tu vois. Si t'as rien à cacher, tu dis tout et puis c'est tout, quoi, tu vois. Mets une webcam dans ton salon, mets une webcam dans tes toilettes, vas-y, quoi, tu vois, partage. C'est sûr, mais l'idée, c'est... De toute façon, on est fiché. On est fiché via notre téléphone, via nos cartes de banque, via... Ça a commencé déjà avec la carte d'identité. Enfin, voilà, on est fiché. C'est sûr que maintenant, on est passé un seuil où là, on se pose beaucoup de questions, en ce moment d'ailleurs, hein, sur, ces histoires d'être fiché, en fait, d'être entendu, programmé, là, ben, comment y échapper ? Voilà, c'est la grande question. Je me repose ma question. Est-ce que le logiciel libre, je sais que tu y as répondu, mais je ne me souviens plus, soyons très concrets, est-ce que le logiciel libre te permet vraiment d'échapper à tout ça ? Ou, rare exception, un geek super doué qui a envie de quand même chipoter peut avoir accès à tes données ? Mais voilà. Réponds-moi. Oui. Alors oui, il y a des solutions qui sont simples et qui permettent de protéger un petit peu ces données. Il y a des projets qui sont très très bien. Et alors notamment le navigateur Tor, voilà TOR, c'est une méthode qui permet de brouiller un petit peu les pistes quand on navigue sur Internet. Le logiciel d'encryption PGP pour les emails. Voilà, il y a aussi des... Bon, on va peut-être y venir un petit peu plus tard. Une distribution Linux, alors j'expliquerai un petit peu ce que c'est. Mais donc, une distribution qui s'appelle Tail, T-A-I-L. Voilà, qui est vraiment dédiée à la protection de sa vie privée, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'enjeu de la vie privée, on va toujours osciller entre le côté pratique de certains outils qui sont proposés, voilà, par des entreprises comme Google, comme Apple, et l'enjeu de savoir que bon, Google a toutes mes photos de famille, a toutes mes photos de, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, est-ce que voilà, il y a toujours ce qu'on donne quelque part à la sécurité ou voilà, on va le perdre ailleurs sur le côté rapide, instantané, pratique. Là, c'est... Du coup, oui, c'est tout à fait possible et c'est pas trop compliqué de protéger sa vie privée, mais ça demande de vouloir aller dans ce sens-là. Voilà, il faut faire... Il y a un petit effort d'ouverture d'esprit et de juste se dire, bah tiens, c'est vrai qu'au final, j'aimerais bien me protéger et de s'instruire de... Voilà, ça, c'est le premier pas. Et puis de là, OK, comment est-ce que je peux faire ? Comment ça fonctionne, Tor ? Comment ça fonctionne ? Ouais, et ça sert à rien de vouloir se jeter tête baissée là-dedans et d'aller d'un coup, sinon on va juste, on va être confus et voilà. Utiliser Firefox déjà plutôt que d'autres navigateurs tels que Internet Explorer ou des choses comme ça. Tout ça, c'est déjà des choses qui vont dans la bonne direction. Voilà. Donc c'est facile, mais il faut le faire, quoi. Mais quoi, en gros, si on a envie de changer sa configuration de son PC. Comment on s'y prend, en fait ? Est-ce qu'il y a des gens qui... Enfin, voilà, toi qui es de Bruxelles, d'abord, j'imagine que toi, ton ordinateur, tu l'as transformé. Est-ce que tu peux un peu expliquer, pour les gens qui écoutent et qui se diraient « Oh, ben, moi, j'en ai marre, j'ai aussi envie de passer à l'action pour changer et me mettre en licence libre. » Comment ça marche ? Alors, le plus gros représentant du mouvement logiciel libre, qui est... C'est vraiment un mastodonte, c'est un projet immense qui s'appelle Linux. C'est un noyau, voilà. Un ordinateur, un appareil électronique, a besoin d'une couche de base, une couche primaire de logiciels qui permet de faire tourner tous les autres logiciels. Donc, on ne peut pas installer Word si on n'a pas installé Windows, par exemple. On installe Word par-dessus Windows. Donc, Windows, c'est un logiciel qui va gérer les autres logiciels. C'est ce qu'on appelle un système d'exploitation. Linux, c'est le noyau, c'est un noyau libre pour un système d'exploitation qui est voilà, un écosystème un peu plus vaste qu'en général on va nommer GNU Linux, GNU/Linux. Et donc, en combinant GNU et Linux, on obtient ce qu'on appelle communément Linux par facilité, qui est un système d'exploitation libre, donc un concurrent de Windows, un concurrent de Mac, voilà. Alors, Linux, ce qui est génial et ce qui est très troublant à la fois, c'est ça qui a tendance à rendre l'adoption parfois un peu compliquée, c'est que je parlais tout à l'heure des quatre libertés. On a la liberté d'étudier le code source. Je n'ai pas mentionné les trois autres, je les mentionne maintenant. On a la liberté de redistribuer le code source. On a la liberté d'employer le logiciel pour en faire ce qu'on veut, ce qui est assez important, je vais revenir dessus. Et on a la liberté de le modifier comme on veut. Si on estime que le logiciel ne fait pas ce qu'on a envie de faire, si par exemple justement quelqu'un a glissé un bout de code malicieux dans le logiciel pour nous espionner, etc., puisque le logiciel est libre et qu'on a le droit légalement de modifier le logiciel, on peut reprendre ce bout de code et le supprimer. Et voilà, c'est ça que ça garantit, le logiciel libre. C'est pour ça que le logiciel libre est beaucoup plus sûr. Bah là, tu parles déjà pour des gens qui s'y connaissent, hein, parce que moi, un code, j'y connais que dalle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident, ça. Alors, moi, je suis pas du tout codeur. Mais à un moment donné, c'est la force de la foule qui va... C'est la force de la foule qui va faire que c'est safe et que c'est efficace. C'est des positionnements personnels. Voilà, moi, j'ai beaucoup plus foi en des millions et des millions de programmeurs à travers le monde qui, voilà, qui, a priori, en tous les cas, par altruisme et par passion, vont aller s'assurer que c'est un logiciel qui tourne bien, que c'est un logiciel qui est sûr. J'ai beaucoup plus foi en eux que dans une entreprise comme Microsoft ou comme Google, dont la finalité, c'est de s'assurer qu'elle soit rentable, voilà, que les actionnaires soient contents. Je ne suis pas du tout actionnaire ni de Microsoft ni de Google. Moi, je m'en fiche que Google fasse faillite ou fasse des milliards. Et surtout, ces entreprises-là, maintenant, on sait qu'elles n'ont pas que leurs intérêts financiers à l'esprit, puisqu'elles ont, ou en tout cas, dans le but de servir cette finalité-là, on sait qu'elles ont collaboré avec des gouvernements et qu'elles ont donné des informations qu'on pensait être privées, sur lesquelles on pensait avoir du contrôle. Donc voilà, j'ai plus aucune raison d'avoir confiance ni en Google, ni en Microsoft, ni en Apple, ni dans aucune de ces entreprises. Par contre, on m'a jamais donné une raison de ne pas avoir confiance dans Linux. Et c'est vraiment la force de la foule. Si on a un petit peu foi en l'humanité, si, voilà, a priori, on peut faire confiance, on peut se dire qu'il y aura au moins une personne. Si imaginons qu'il y ait 10 millions de personnes qui aient décidé d'introduire du code malicieux, il y en aura au moins probablement une d'honnête qui va lire ce code malicieux et qui va le supprimer. Voilà, si on a foi en l'humanité, c'est safe. T'as foi en Linux, quoi. T'as foi en le logiciel libre. J'ai foi en les personnes qui croient au bienfait de cette philosophie. C'est une philosophie qui est basée sur le partage, qui est basée sur... voilà, c'est l'idée que tout le monde doit pouvoir apprendre, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et tout le monde peut contribuer et qu'en s'y mettant à plusieurs, on peut faire quelque chose de plus grand et voilà, qu'il y aura un impact plus grand que ce qu'on peut entreprendre tout seul. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois, ouais. Mais dis-moi, parce que j'essaye de vraiment bien comprendre, hein, donc le logiciel libre, ça voudrait dire qu'il y a des gens, qu'il n'y a pas des gens mal intentionnés dans le logiciel libre. Tu vois, ça fait comme s'il y avait un monde parfait d'un côté et de l'autre, t'as les méchants. Je ne comprends pas très bien, en fait, tu vois. Il y a probablement des gens qui sont mal intentionnés et qui travaillent sur des logiciels libres. Mais tant qu'il y a des personnes qui ne sont pas mal intentionnées, puisque le code est libre, ces personnes qui sont bien intentionnées vont toujours pouvoir contrecarrer les personnes qui ne le sont pas. Ça, c'est la garantie du logiciel libre. Oui, si je comprends bien, c'est parce qu'il y a une transparence, quoi. Dans le logiciel libre, il y a une transparence, il n'y a pas d'intention cachée, tandis que dans les... dans les logiciels autres, eh bien, il y a des intentions cachées qu'on ne dit pas. Voilà, donc il y a un secret comme ça, comme il y avait déjà de la manigance, et dans la licence libre, non, parce que c'est transparent et c'est visible. C'est un peu ça l'idée ? C'est exactement ça, c'est vraiment ça. Voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, je reviens sur l'analogie de la voiture, je crois que les gens peuvent vraiment se rattacher à ça. Si ton garagiste te dit, moi je te vends cette bagnole-là, mais par contre, t'ouvres pas le capot, voilà, je le cadenasse et je suis le seul à avoir la clé, t'auras des raisons d'avoir des soupçons, quoi. Tu vas te dire, mais attends, tu l'as trafiqué, quoi. Le compteur, est-ce qu'il est. Voilà, est-ce que la voiture est seulement aux normes ? Est-ce qu'il y a seulement un moteur dans cette bagnole, quoi, tu vois ? Mais dis-moi, et je répète la question, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Demain, je veux changer, je veux mettre mon ordinateur en logiciel libre. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est rapide ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que, voilà, toutes ces questions un peu compliquées. J'imagine qu'il faut un petit peu s'adapter, et que c'est vrai que c'est ennuyant de devoir s'adapter avec un nouveau codage, enfin une nouvelle manière des nouvelles icônes et des choses comme ça. Mais après coup, ça peut être vraiment intéressant de se dire, parce qu'il y a aussi, paraît-il, moins de virus ? Ou pas ? Pas de virus ? Moins de virus ? Voilà, toutes ces questions. Alors, c'est pas trop dur de switcher. Mais comme je disais, c'était pour ça que j'étais parti là-dessus, tout le monde peut modifier le code. Et du coup, il n'existe pas une version de Linux, il en existe plein. L'avantage, c'est qu'elles sont toutes plus ou moins compatibles entre elles, puisque ils travaillent tous sur des mêmes standards, sur des standards ouverts, et ils sont tous mis d'accord pour dire, voilà, un logiciel qui tourne sur Linux tournera sur tous les Linux. Donc voilà, c'est un peu, ça peut être, voilà, on peut être un peu confus au début si on ne sait pas trop vers quoi chercher. Alors tous les aficionados du logiciel libre ne seront pas d'accord avec moi. En général, je recommande aux personnes qui veulent essayer les logiciels libres, je recommande certaines versions de Linux, ce qu'on appelle les distributions, des distros. Je recommande certaines distros plus que d'autres. Voilà, il y a des distributions Linux qui sont vraiment orientées vers les nouveaux utilisateurs, qui sont là pour prendre les gens par la main et rendre vraiment cette transition facile. Parmi ces distributions, il y en a deux que j'apprécie beaucoup. Ubuntu, voilà, c'est U-B-U-N-T-U, Ubuntu. Et une deuxième qui est basée sur Ubuntu, voilà, qui s'appelle Linux Mint. Donc Linux, L-I-N-U-X, et Mint, M-I-N-T. Voilà, si les gens sont un petit peu curieux, ils peuvent aller regarder un petit peu ces projets-là. Et alors, dans la pratique, comment on ferait ? Linux, effectivement, le problème que Linux a eu, historiquement, c'est que avoir une certaine adoption au niveau des utilisateurs sur les laptops, etc., sur les ordinateurs de bureau, c'était un petit peu compliqué parce que Microsoft était déjà là sur le marché. Quand on achète un ordinateur, en général, Windows est installé dessus. Et donc Linux, la communauté Linux, a vraiment essayé de rendre le plus facile possible le fait de prendre un ordinateur avec Windows installé dessus et d'ajouter Linux sur cet ordinateur. Voilà, on peut par exemple parfaitement avoir sur un même ordinateur Windows, l'environnement qu'on connaît avec lequel on est à l'aise, et Linux, voilà, cet environnement libre et sécurisé. Pour ça, il y a beaucoup de tutoriels en ligne. Il faut copier Linux sur une clé USB, redémarrer l'ordinateur. Il y a un processus d'installation. Et de là, c'est excessivement simple. On peut juste appuyer sur suivant, suivant, suivant si on n'a pas envie de. Ce que je ne recommande pas. Hein. C'est comme ça, au final, qu'on se fait avoir par les logiciels malicieux. Mais voilà, avec Linux, en général, c'est safe. Sinon, l'autre option. Et c'est ça aussi c'est ça que j'expliquais, qui moi personnellement m'a beaucoup séduit dans le logiciel libre, c'est cet aspect communautaire, cet aspect d'entraide, de partage. Et donc il y a un petit peu partout ce qu'on appelle des LUG, des Linux User Group, qui sont juste des réunions par des gens, des gens d'une même région, d'une même commune, d'un même village, qui utilisent Linux et qui veulent partager leurs connaissances, partager leur savoir-faire. Et très souvent, ces gens-là, si on les contacte et qu'on leur dit « voilà, j'aimerais bien faire la transition », ils vont aider, ils vont proposer leur aide pour installer Linux sur un ordinateur, pour expliquer comment fonctionnent les logiciels d'encryption, expliquer comment est-ce qu'on peut se protéger un petit peu. Donc voilà, il faut faire un petit peu de recherche sur Google pour ceux qui veulent, sur DuckDuckGo, qui est un concurrent à Google, open source, DuckDuckGo, donc canard, canard, c'est parti. DUCK, DuckDuckGo. Voilà, qui est un moteur de recherche qui fait beaucoup pour le monde du logiciel libre et qui est voilà, très très soucieux de la vie privée, de la sécurité des données. Donc voilà, une petite recherche sur Internet sur LUG, L-U-G, et puis le nom de votre commune. Et normalement, vous allez trouver. Il y en a un petit peu partout. J'ai notamment, bah voilà, de ceux que je connais, j'ai un petit peu à Louvain-la-Neuve. Alors, c'est pas vraiment un LUG, c'est un code à projet qui s'appelle le Louvain Linux. Alors, pour ceux qui sont dans cette région-là, vous pouvez aller les voir. Ils sont très, très sympas et ils vous aideront très volontiers. Voilà. Et sinon, régulièrement, il y a des événements qu'on appelle des install parties. Et donc, c'est des utilisateurs de Linux qui se disent, bah tiens, on va aller dans ce café-là vendredi soir, et tous ceux qui veulent viennent avec leur PC et on va installer Linux dessus. Et voilà, c'est un côté, il y a ce côté très chaleureux. C'est le logiciel libre ne peut fonctionner que s'il y a du partage et que si on a envie de, voilà. C'est un sentiment positif et c'est très chouette. Moi, c'est ça qui m'a fait switcher. Voilà. Et comment tu l'as découvert, toi, le Linux, alors ? Alors, comment ça s'est passé pour toi ? Parce que j'imagine que c'est pas venu comme ça, clac, hein ? Explique-nous un peu, si tu veux bien. Alors, j'ai découvert Linux il y a plus de 10 ans. Donc, j'étais déjà musicien et je voulais pouvoir enregistrer ma musique, etc. J'avais entendu dire qu'on pouvait enregistrer sur son propre ordinateur, qu'on pouvait avoir un petit peu des studios à la maison. Alors j'étais très curieux de ça, mais le problème c'est que ça coûtait très cher. Et un collègue de mon papa, voilà, m'a dit, tu sais, il existe des logiciels libres. Il faut savoir que les logiciels libres sont gratuits. C'est quelque chose qui est systématique et automatique. Ça vient via c'est une des 4 libertés dont je parlais, celle de pouvoir partager le code. Puisqu'on peut partager, on doit pouvoir partager le code. Si on a installé le software, le logiciel, on peut le prendre et l'installer chez quelqu'un d'autre et on ne doit rien payer à personne. Alors, là-dessus, je tiens juste à préciser, c'est pas parce qu'on ne doit pas payer que ça ne coûte rien. Il y a des développeurs qui travaillent sur tous ces logiciels-là sur leur temps libre. Certains le font professionnellement. Et certains le font bénévolement, voilà, le soir, le week-end, qui travaillent sur des logiciels tels que Firefox, tels que Linux, ou des logiciels d'enregistrement comme ceux dont je parlais. Voilà. Si vous utilisez des logiciels libres, bah, voilà, avoir une petite pensée pour ces gens-là. Parfois, aller voir sur leur site, voir s'ils font des appels aux dons, donner quelques euros, un petit café. Voilà, ça fait plaisir et ça aide à maintenir tout cet écosystème. Mais donc, bref, voilà. Donc, je me retrouve avec cette envie de vouloir m'enregistrer et ce collègue de mon papa qui me dit, bah, tu sais quoi, tiens, regarde un petit peu du côté de Linux. Et donc, il m'a aidé à installer ma toute première distribution Linux. Alors, pour les nostalgiques, elle s'appelait Agnula, voilà. elle n'existe plus aujourd'hui. Et voilà, effectivement, du coup, en installant cette distribution qui était dédiée à l'enregistrement au home studio, j'ai installé Linux sur mon ordinateur et tout d'un coup, en démarrant Linux, j'avais des centaines de logiciels dédiés à l'enregistrement. Il faut savoir que c'est aussi pour ça le côté un petit peu confondant de « Ah oui, mais il y a trop de versions de Linux », c'est une force. C'est de se dire, bah tiens, moi ce qui m'intéresse c'est la photographie, moi ce qui m'intéresse c'est la musique. Il y a probablement une version de Linux qui est dédiée à ça, une version de Linux. Voilà, par exemple ici, je sais qu'il y a des versions de Linux qui sont dédiées au fait de faire fonctionner des radios. Voilà. Il y a des versions de Linux qui sont vraiment dédiées aux photographes, au montage vidéo. Il y a des versions de Linux qui sont dédiées aux jeux vidéo. Il y a des distributions Linux qui sont dédiées à regarder des films dans son salon. Linux peut être très spécialisé et c'est génial et ça renforce cet aspect communautaire. Et donc voilà, moi c'est comme ça que je me suis retrouvé. Je voulais faire de la musique et j'avais pas les moyens d'acheter tous ces logiciels très coûteux. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de gens à travers le monde qui avaient décidé de m'aider à faire ma musique sans devoir casser ma tirelire. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dedans. Oui, et puis à l'époque, c'était déjà comme ça pour le... Est-ce que tu étais conscient de la vie privée, des données qui sont... Je suppose que ce n'était pas la même chose. On est en quelle année alors là? Alors ça, c'était en 2004. En 2004, tous les logiciels qui permettaient d'encrypter, de protéger un peu ces données numériques existaient déjà. Par contre, effectivement, le débat n'était pas vraiment sur la place publique. 2004, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'année où Facebook a été créé. On n'est pas loin aussi de la création de... Ah, 2003. Ouais. On n'est pas loin de la création de YouTube aussi. Faut savoir qu'en 2004, on avait déjà des réseaux sociaux. Il y avait MySpace, il y avait des copains d'avant, des choses comme ça. Et ces logiciels, ces sites web qui sont gratuits, ils doivent se financer d'une façon ou d'une autre. Et très souvent, c'est par la pub. Et pour avoir des pubs qui sont plus ciblées, ils vendent nos informations publicitaires. Donc, le débat n'était pas vraiment sur la place publique, mais ça existait déjà. Très personnellement, moi, j'étais un ado, je voulais faire de la musique. Le côté protection, vie privée, machin chouette, j'en étais pas conscient et ça ne m'intéressait pas. À vrai dire, même l'aspect philosophique ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voyais, c'était... Je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir faire ma musique, et c'est gratuit. Et c'est pas grave, la communauté Linux est tout à fait OK avec ça, et il n'y a pas de problème. Mais du coup, à un moment donné, si on est un petit peu empathique, on se rend compte que ça fait 2-3 ans que j'utilise ces logiciels-là. Il y a des gens qui bossent dessus, je leur ai envoyé un email pour leur dire « Tiens, là, ce logiciel-ci, j'ai un petit problème avec, quand je fais ça, il plante... Et les développeurs, ils vont répondre, ils vont essayer de réparer le software, ils vont essayer de l'adapter pour que ça fonctionne, ils vont tenir compte des échanges qu'on a, de ce que la communauté leur renvoie. Et au bout d'un moment, on commence à se rendre compte qu'on fait partie de cette communauté et qu'on en bénéficie. C'est pas seulement le côté gratuit, mais c'est toute la maintenance du logiciel derrière. Il faut savoir qu'un logiciel propriétaire, donc on doit payer pour pouvoir l'utiliser. Mais en plus, quand on paye pour beaucoup de software, la licence, elle a une durée de vie limitée parce qu'à un certain moment, le développement du logiciel va s'arrêter. Je vais donner un exemple. Dans les années 90, j'utilisais une suite bureautique qui s'appelait Lotus, qui était propriétaire. Et au bout de quelques années, la suite Lotus n'a plus été développée. Et aujourd'hui, c'est impossible de l'installer sur les ordinateurs récents. Mais on a payé pour la licence de ce logiciel. Et aujourd'hui, on ne peut plus l'utiliser. Il y a quelque chose de... Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que le logiciel propriétaire, dans son essence, c'est vraiment... C'est malsain. On nous fait payer pour quelque chose qui ne nous appartient pas, pour quelque chose... Enfin, voilà. Je reviens encore une fois avec l'histoire de la voiture. On va payer pour une voiture dont on ne peut pas ouvrir le capot, dont on ne peut pas changer les pneus, on ne peut pas choisir la couleur. Et en plus, au bout de quelques années, elle arrête de rouler. On ne peut pas la réparer. On ne peut pas... C'est pas normal. Et donc, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout, de tout cet aspect communautaire et du bénéfice qui me revenait, j'ai l'aspect philosophique a commencé à un petit peu s'imprimer. Je me suis dit, bon sang, c'est vrai que j'en profite en fait de cette philosophie, de cette liberté. J'en ai même si je suis pas programmeur, même si je suis pas codeur, je bénéficie de ces libertés. J'ai une petite anecdote qui illustre un petit peu ça. J'ai été assisté à une conférence qui s'appelle la Linux Audio Conference, donc pour les gens qui veulent faire de la musique sur Linux. Et j'ai rencontré le créateur de la distribution que j'utilise. Et du coup, donc on est à la conférence et je le remercie, je suis en face de lui et je lui dis ah bah super, c'est toi qui mon travail, si je peux le faire, c'est grâce à toi. Et puis on discute un petit peu et je lui dis tiens, maintenant que tu le mentionnes, c'est vrai que ici quand je fais ça, là j'ai un petit souci, en général là ça plante. Et il me dit ah ouais, c'est bizarre cette histoire. Attends, bouge pas. Il ouvre son laptop, il tape quelques trucs sur son clavier. Et puis il me dit, tiens, vas-y, fais un peu ta mise à jour. Donc je fais la mise à jour de mon ordinateur. Il me dit, vas-y, essaye. C'était réparé. Et il y a vraiment ce côté, cet aspect échange, cette immédiateté. On est directement en contact avec les gens qui créent le software. On est... Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on n'aura nulle part ailleurs. Ses propres logiciels libres. Voilà. Bruxelles, c'est pas très grand Bruxelles. Est-ce qu'il y a un groupe, j'ai l'impression que non, comme ça, en allant fouiner un peu et en connaissant un peu, mais peut-être je me trompe, hein, parce que j'ai pas... Il n'y a pas vraiment un groupe de gens, tu sais, vraiment mordus du logiciel libre ici sur Bruxelles. Alors, si, il y en a. Il y a des Linux User Group à Bruxelles. Il y en a un, c'est certain, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Il faut savoir que c'est... Enfin voilà, tu vois, c'est comme, je sais pas moi, les passionnés de tarte à la rhubarbe. Il y a peut-être un fan club de tarte à la rhubarbe à Bruxelles, mais c'est spécifique, t'en entendras pas parler, tu vois. Beaucoup de personnes s'intéressent pas vraiment aux outils informatiques qu'ils utilisent, tu vois. Ils les utilisent et puis c'est tout. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la vie privée. À un moment donné, si on s'y intéresse pas, personne va faire l'effort de venir protéger nos données pour nous. Personne va faire l'effort de venir nous dire, bah voilà, tiens, utilise Linux, il n'y a pas de virus. C'est à nous de faire cette démarche-là et de prendre conscience que les outils informatiques, ils sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Ils sont là partout. C'est eux qui gèrent nos agendas, c'est eux qui gèrent notre radio réveil, c'est eux qui gèrent tout. Et donc, oui, il faut s'intéresser à ça. Et quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus commun que ce qu'on imagine. C'est pas seulement des geeks, c'est pas seulement des mecs dans leur cave qui s'occupent de ça. C'est toute une communauté qui est très présente. Il y a beaucoup de développeurs de logiciels libres en Belgique. En Belgique, ouais. Même des logiciels dédiés à la musique. J'ai eu l'occasion de rencontrer Thomas Bonte du logiciel MuseScore, voilà, qui permet d'éditer les partitions, etc. C'est un très très beau logiciel, très très beau projet. Et voilà, il habite. Est-ce que c'est à Anvers ou à Gand? Je ne sais plus maintenant. Voilà, et donc oui, il y a plein de développeurs de logiciels libres en Belgique, il y a plein d'utilisateurs, il y a toute une communauté qui demande qu'à être là et qu'à accueillir plein de gens et à partager ça. Bah déjà, tout grand merci hein, de m'avoir permis de parler librement dans ton micro. Et pour les gens que ça intéresse, voilà, juste, il ne faut pas avoir peur, et si vous êtes curieux, allez-y, explorez. Aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide, à aller sur les forums, il y a plein de moyens de rencontrer des gens et d'obtenir un petit peu d'aide. Et puis, pour les musiciens qui s'intéressent au logiciel libre, ben, venez aux ateliers Résonance, à la bibliothèque d'Ixelles, c'est un vendredi soir sur deux, voilà. Je participe, mais c'est pas moi du tout. Moi j'ai rejoint le projet en cours de route, mais le mérite ne me revient absolument pas. C'est Philippe, qui travaille à la bibliothèque d'Ixelles, qui est l'architecte, l'artisan derrière ces beaux ateliers. J'espère que ça aidera certaines personnes à mieux comprendre un petit peu tous ces enjeux. Pourquoi à l'atelier Résonance, c'est des logiciels libres? Vous travaillez avec les logiciels libres, c'est ça? Exact. Voilà. Exclusivement avec logiciels libres. Il faut savoir que les logiciels libres, tiens, j'ajoute vite ça entre parenthèses, les logiciels libres, c'est pas que Linux. Même si vous êtes sur Windows, même si vous êtes sur Mac, vous pouvez bénéficier des logiciels libres. Les logiciels libres s'installent sur toutes les plateformes. Et voilà, ne serait-ce que par curiosité, voilà, vous pouvez passer avec plaisir. Vous aurez un petit coup de main. On vous expliquera. Emon, si on écoutait une musique là à la fin, tu peux un peu raconter en quelques mots quelle musique tu mettrais là? Yes, oui, très bien. Alors, une chanson qui est issue de mon premier EP qui s'intitule Jeudi Moi. Voilà, j'ai sorti cet album en 2010 et je suis actuellement en train de travailler sur le deuxième. Ça sort avant la fin de l'année. Voilà, c'est bientôt, c'est très bientôt. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Voilà, revenir vers mon site ou ma page Facebook. Voilà, Emon Tobin, donc EAMO2N, TOBIN, et cette chanson s'intitule Jeudi Moi. À 20 000 lieues sous la mer, à 20 000 lieues sous la terre, je me cache de la surface et j'efface mes angoisses. Je me cache de là où je tâche. J'efface la page, je retrace la marche. À 20 000 lieues de vos affaires, à 20 000 lieues de vos problèmes, je m'éloigne de mes pères et j'oublie un peu ce que j'aime et je prends du temps pour moi. À 20 000 lieues dans ma tête, vous êtes loin de mes fêtes. Mes pensées m'appartiennent. Et désolé, mais je ne les prête qu'à moi. Et très loin de vos soucis, j'aborderai les miens là-bas. Une longue réflexion sur ma vie, je ferai un peu le point sur moi. Mes envies, mes devoirs, mes amis, mes espoirs, mes regrets, des illusions, et toutes les fois où je fus si con. Je dis moi, oh, je dis moi, je dis moi, j'efface la page, je retrace la marche, dis-moi. À 20 000 lieues sous la mer.